Écoutez maintenant un roncus. Sur cet enregistrement, le roncus est entendu lors de l'expiration. Il s'agit d'un bruit continu dont la fréquence fondamentale est inférieure à 200 Hz. Écoutez à nouveau ce roncus.